vais pas me raconter d'histoire. C'est dans tes yeux que je me suis trouvé. Apparemment, c'est ton regard qui m'aide à me constituer. Quand mes rêves à nouveau s'envolent, quand ma colère vient m'aveugler, quand mes peines m'éloignent du rôle que je devrais normalement jouer dans ce monde si dérisoire que je ne veux pas accepter. C'est dans tes bras que j'ai l'espoir un jour peut-être de tout changer, de tout changer. Alors tu vois, c'est dans tes yeux que je grandis chaque jour encore. C'est pas dans tes mots si peu que je trouve la force des efforts. C'est parce que je t'aime que je veux être à la hauteur de mon sort. Que tu sois fier et dans tes yeux sentir que tu m'aimes encore plus fort, un peu plus fort. Je vais pas te raconter d'histoire, comme tu sais quand on est fâché. Je vois tout rouge, je bois du noir, fais semblant de t'ignorer. Quand tu t'appuies sur mon épaule, quand tu prends ta clope, ton café, quand je me sers un verre d'alcool, que je suis sourd à t'écouter. J'ai qu'une envie un peu trop tard, c'est faire la paix et t'embrasser. L'amour ce n'est pas le hasard, je t'aimerai pour l'éternité, l'éternité. Alors tu vois, c'est dans tes yeux que je grandis chaque jour encore. C'est pas dans tes mots si peu que je trouve la force efforts. C'est parce que je t'aime que je veux être à la hauteur de mon sort. Que tu sois fier et dans tes yeux sentir que tu m'aimes encore. Les jours où on est amoureux, je suis le plus heureux des hommes. Je peux lire alors dans tes yeux, tu es ma femme, je suis ton homme, je suis ton homme, je suis.